puisque partir, c'est mourir un peu, c'est la vie. Et la vie. C'est une reprise du groupe Emerson, Lake & Palmer, C'est la vie, adaptée par Jean Jabert sous le titre Tant pis, c'est la vie. Et suivant une coutume instaurée par la SACEM, l'adaptation française ne doit pas porter le même titre que l'original. Jean Jabert trouve ici un habile subterfuge, quoique la pochette du simple utilise la formule raccourcie C'est la vie. La voix puissante de Johnny est inutilement surchargée d'effets, mais donne à cette composition une emphase que ne possède pas le disque anglais. Et Johnny est tout à fait convaincant, personnage faussement désabusé, tu pars, adieu, tant pis, c'est la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 1977 et en gros, on va parcourir toute cette année 1977. Après une année 1976 très riche en événements, l'énorme succès de l'album Derrière l'amour, le Palais des Sports et l'album Hamlet, la tournée 76 post-Palais des Sports, Johnny entre au studio 92 sous la direction musicale de Jacques Revaux. Ce sera leur dernière collaboration du 1er au 11 février pour l'enregistrement du futur album C'est la vie. Et du 13 février au 16 mars, Johnny poursuit la tournée Johnny Story en France, et à peine est-elle achevée que l'idole s'envole pour l'Afrique occidentale. Il se produit notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, et Jean-Pierre Rolling Azoulay, l'un des guitaristes les plus appréciés des fans, effectue son dernier périple à ses côtés avant de céder sa place. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retour Johnny Day au Palais des Sports de Paris en 1976. Avec deux titres qui faisaient partie de son répertoire de la tournée d'hiver, du Johnny Story de 1977. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désastre. entendu parler. Elle a quiche mes amis, mais mes petits. Pourtant pour elle, j'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ça sur mon pays, je peux les penser. Cette fille là, mon vieux, elle est terrible. Regarde un peu cette voiture. On a dû vraiment faite pour moi. Alors c'est ce que je pense au prix de l'essence. Je pense que t'as l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu que je travaille. Moi je pourrais me la payer content. Invite la belle fille à monter dedans. La capote de baisser sans trop nous presser. Nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains ne voyant pas se tirer, mais tu sais, y'a pas d'air ce gars-là. Waouh, il est tiré. C'est pas roulé en rêvant. Voilà qu'arrête ma vieille citron. Et j'ai pas de mine devant la belle maison. De celle que j'aime, les poches à plat. Pourtant si elle m'embrasse rien qu'une fois, je tuerai certainement en parlant de moi. Y'a pas dire ce gars-là, waouh, il est tiré. Je n'ai aidé au Palais des Sports 1976. Le 1er avril 1977, Philips paie la lourde amende fiscale infligée à Johnny. Ses hommes d'affaires avaient omis de déclarer 4 millions de francs. Oh! Pour les années 71 et 72. Mais sa maison de disques exige, en contrepartie, la publication de 2 albums par an. Et le 13 avril, le nouveau single Le Cœur en Deux marque l'arrivée parmi les collaborateurs de Johnny du nouveau venu, Pierre Billon, fils de Patachou. Pierre Billon collabore déjà avec Michel Sardou, aussi bien sur les textes de 10 ans plus tôt, Je vole, que sur la musique avec par exemple Être une femme. Et le 45 tours remporte un grand succès avec également une super face B, Il neige à Nashville, un texte de Long Chris, et nous met l'eau à la bouche pour attendre la parution du nouvel album le 18 octobre suivant. Voici Le Cœur en Deux en version longue. Avec les orgues de l'église Saint-Eustache de Paris. Coin sombre de ma mémoire, avec mes violences de star et mes chimères de château, je hais les bouteilles que j'ai bu, les filles que j'ai bien voulu prendre. Les faux amis que j'ai connus, les matins tristes au goût de cendre. Thank you. confond bonheur et douleur, entremêlés dans un sanglot. En voyant s'enfuir tes cheveux, mes nuits ont perdu la lumière. Mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. À la même période, en vacances pour une semaine à la Martinique, Johnny loue un voilier le vendredi 13 avec Michel Sardou. Johnny est accompagné de Rosa Fumento, danseuse du Crazy Horse Saloon, l'idylle de l'année 1977, mais ce n'est pas le genre d'info qu'on divulguait à l'époque. Hein. C'était un nouveau coup de canif dans le contrat de mariage avec Sylvie Vartan, mais cela ne nous regardait pas. Hein. C'était une interview datant du 18 avril 1977 et qui a été diffusée sur RFO Martinique. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Vraiment vacances. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est partagé le bateau. Au départ, c'est moi qui ai eu l'idée de louer ce bateau. Et puis mon ami Michel Sardou est venu me rejoindre. Est-ce que c'est un vieux projet ? Oh, bah, c'est une idée de mon ami Hallyday qui est avec moi ici, qui a loué ce merveilleux bateau, là, qui est le vendredi 13 pour nous, pour passer une semaine ici en Martinique. À couple vite, Charlie, et tu gagnes pas, ne te retourne pas. Oh, c'est maniable, oui, grand. Je veux dire, le bateau, est, comme il est grand, il est impressionnant, mais c'est un bateau qui est très maniable. Bon, j'ai tout arrêté et puis je suis parti ici. Je ne le regrette pas du tout parce que c'est un pays magnifique. Il faut essayer de s'éloigner un peu. Je veux dire, pour pouvoir tenir le coup, il faut de temps en temps oublier un peu les problèmes, les soucis et puis le boulot, quoi. Ben oui, bien sûr. Et on n'allait surtout pas dire qu'il y avait la maîtresse à bord du voilier, la Rosa Fumetto. Et le 1er mai 1977, départ pour Marrakech, où se tiennent pendant une semaine, du 2 au 5 mai, ça fait pas tout à fait une semaine, mais bon, les Olympiades d'Europe 1 au Club Méditerranée, qui réunit les 50 stars inscrites au hit parade, comme Sheila et Ringo, Michel Sardou, Carlos, Claude François, France Gall et Michel Berger, le couple Joël et Serge Coulen, d'Il était une fois, hein, Dave, et bien sûr Johnny Hallyday. Non, j'ai pas pu trouver d'extrait sonore de ça, non. Même Europe 1, ils ont même plus les archives et ils parlent uniquement, ils disent qu'il y avait des Olympiades pendant 3 ans, mais ils avaient aucun document sonore. Mais le 11 juin, là on va avoir des extraits sonores. Le 11 juin, numéro 1 des Carpentiers sur TF1, Johnny chante en direct les titres de l'album Derrière l'amour et donne un aperçu de son répertoire de tournée d'été avec un nouveau groupe, Magnum, et il fait découvrir son nouveau single, Le cœur en deux, et il naît sur Nashville. Et on y retrouvera également dans cette émission des duos avec Rosa Fumetto, tiens, Sacha Distel et Eddie Mitchell. Et enfin, tout de suite, un chanteur qui, comme moi, a la passion du rock'n'roll et du country, monsieur Eddie Mitchell, en personne. Il écoutait le disc jockey dans la voiture qui le traînait sur la route de Memphis. Et la radio lui vantait un truc débile qui l'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Il vient vers toi, tu l'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, à la place du mort, un chien loup lui jetait un costume un peu élimé aux manches. Il a le droit de se taire et fumer en gardant ses menottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Deuxième extrait de l'album de la semaine, qui est C'est la vie, sorti le 18 octobre 1977. Voici le titre, Les filles du paradis. Mon Dieu, j'arrive du purgatoire. Après 2 siècles de repentir. M'avait rappelé en pleine gloire. Où sont les filles du paradis? Yeah, yeah. Où sont les filles du paradis? Yeah. L'ange qui rigole derrière mon dos m'a pourtant dit il y a quelques secondes. Saint-Pierre. Les filles du paradis, cette chanson figure sur le 45 tours J'ai oublié de vivre en face B. Voyons, nous en sommes au 25 juin, échange de bons procédés. Michel Sardou invite à son tour l'ami Hallyday dans son numéro 1. Les deux chanteurs interprètent un titre inédit, L'amour formica. Oui, parce que Johnny avait invité Michel Sardou dans son numéro 1 du 11 juin. On retrouve L'amour formica, Johnny et Sardou, le 25 juin 1977. Posé au coin du bar, un morceau de cœur en pierre sur le zinc du vieux comptoir, coincé entre une salière et un verre de picombière. Près d'un jukebox bizarre, une fille m'a dit mon frère. Entre deux jeux durs, on a parlé. L'amour formica m'a formidé. Entre quatre murs, on s'est aimé. L'amour formica m'a formidé. Il partageait tous les soirs avec une autre écolière son lit d'amour et d'espoir, son évier, sa cuisinière. Oh, une gondole sur la télé clignotait ses feux arrière. Un miroir était placé au pied du lit. Pour moi, c'était l'enfer. Karl Marx était sur l'étagère. Entre deux œufs durs, on a parlé. L'amour formica m'a formidé. Entre quatre murs, aimer l'amour formica m'a formidé. Si vous avez le cafard ou si vous êtes en colère, sachez qu'il existe un bar qui sait soigner les cœurs de pierre et qui fait crédit aux picombières. Près du jukebox bizarre, une fille vous dira mon. Ton ciel vire au caviar, c'est qu'il est temps de t'envoyer en l'air et d'oublier que t'as le cœur en pierre. Ouais. Entre deux vœux durs, vous pourrez parler. L'amour formica va vous formider. Entre quatre murs, vous pourrez l'aimer. L'amour formica va vous formider. Entre deux vœux durs, vous pourrez parler. L'amour formica va vous formider.

Teenage sur Nashville, une chanson de Lou Chris et de Frank Langloff. En 1975, Johnny est à Nashville pour enregistrer, accompagné de son ami Lou Chris. Et le séjour touche à sa fin. Le chanteur rentre d'une nuit aventureuse et raconte « Je me suis réveillé dans une maison en bois en dehors de la ville. » Puis, c'est la neige qui accueille le chanteur et ses amis à son arrivée à Orly. La chanson est née et sera enregistrée 2 ans plus tard. Revenons un peu sur cette année 1977 également, on va dire en gros dans cette éphéméride. Nous en sommes à la période de l'été, du 29 juin au 18 septembre 1977, tournée d'été pendant laquelle Johnny reprend son rythme de vie effréné, sa vie familiale chaotique et ses récents problèmes fiscaux le contraignent à un travail acharné qui ont des conséquences déplorables sur son moral. Fatigue, stress, excès en tout genre sont son lot quotidien. On va retrouver un extrait, une petite émission, un extrait d'émission de vendredi, Le Miroir des Idoles, c'était sur TF1 le 8 juillet 1977. Johnny, c'est le numéro 1 depuis 17 ans. Il est celui par qui le scandale en France est arrivé. La révolte qu'il prêchait sur un air de twist, ses fans y croyaient parce qu'il était comme eux, né dans la rue. À 34 ans passés, l'image est intacte d'un adolescent paumé mais finalement indestructible. J'étais qu'un enfant, mais alors j'ai tombé, tombé qui comme est dans mon cœur. Je suis un rock'n'roller, je suis un rock'n'roller. Jeudi, à l'idée. Il a de la gueule, il y a tout ce qu'il faut. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas. Et c'est pas une lunette comme certains chanteurs, ils donnent à fond. D'un grand roi, je l'aurais construit. C'est avec, c'est pas. C'est pas comme d'autres chanteurs. Avec mes mains. C'est un gars de la rue, c'est un gars comme nous, quoi. Moi, je vois ici, dans les amis de l'émission, des jeunes qui ont la coiffure à la Johnny Hallyday, et puis il y en a qui cherchent à retrouver ton profil, et puis d'autres qui se grandissent comme ça pour être le Johnny Hallyday de leur quartier. Mais moi, j'ai essayé d'avoir une coiffée comme ça pour ressembler à James Dean, alors, tu vois. Ah bon. C'est le roi, celui-là. C'est le roi. Ouais, c'est le roi du rock, c'est... Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Et une fille souvent me guette en s'éteignant les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette. Mais pas une dans mon cœur. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve des titres live de son numéro 1 Johnny Hallyday le 11 juin 1977. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur. Et des regrets et des rancœurs. Des souvenirs éblouissants et des visions. Et pour y mourir, aime-moi, aime-moi me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais pour vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi l'arme à ton cœur pour y vivre et pour y mourir. J'ai besoin de tes mains sur moi et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris, de tes craintes. En septembre 1977, Johnny finit les voix de son nouvel album et le 18 octobre sort le 33 tours C'est la vie et se vendra à 400 000 exemplaires. La pochette de l'album, photographiée par Francis Giacobetti, montre un Johnny dans un coin de salon en smoking, les mains dans les poches et la tête dans les épaules, les pieds à l'intérieur. Que nous présage cet album? Les grands auteurs hallydéens des années 70 sont présents. Georges Haber, Gilles Thibault, Michel Mallory, Pierre Billon, Elon Chris et également la participation de Éric Bamy. Et cet album veut ressembler à l'album à succès précédent Derrière l'amour, produit également par Jacques Revaux, avec un melting pot variété blues, rock, rock'n'roll, mais n'aura jamais le même aura. Voici une petite balade, Un homme comme les autres. Je ne suis pas cette photo qu'on accroche au mur. Je ne suis pas ce garçon-là que l'on défigure. Je ne suis pas ce Superman pour des aventures de cinéma. Les stars dans le ciel, les stars, les vrais et leurs secrets, oh, me font rêver, me font chanter. Rien Chaque jour, ma seule nourriture, mon seul recours. C'est ma seule âme et ma seule armure, l'amour de frère. Et ses secrets me font rêver, me font chanter. Rien, je ne suis rien. Un homme comme les autres, un texte de Pierre Delanne Noé. Revenons à présent à la tournée d'été 1977 et nous sommes le 9 août. Alors que Johnny poursuit sa tournée d'été dans le sud-est de la France, Johnny s'adonne à quelques minutes de détente au micro de Jean-Loup Lafont dans l'émission Basket sur Europe 1 aux côtés de Michel Sardou à Saint-Tropez. Johnny Hallyday et Michel Sardou. Alors je vais tenter d'établir de suite la liaison. Johnny Hallyday et Michel Sardou, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Première question, où vous trouvez-vous exactement ? Moi à Noirmoutier et Johnny à la Baule. Ouais. Bon, on est bien parti. Non mais vous êtes près d'une piscine, vous êtes dans un jardin, vous êtes sous des palmiers en short, comment ? Très bien, on est décontracté, on boit un coup à ta santé. Tu vas bien, tu bois un coup à la nôtre ? Très volontiers, je vais aller tirer un café. Ah bon, ça va alors. Johnny Hallyday et Michel Sardou, depuis Saint-Tropez, où il a retrouvé son ami Michel Sardou, Johnny Hallyday va vous parler maintenant de son espoir, Jim Dropper. Johnny ? Oui ? Dis-moi alors, c'est quelqu'un qui chante avec toi, je crois. Oui, c'est exact, oui. Ben écoute, justement, il est à côté de moi, je vais te le passer. Eh ben volontiers. Bonjour. Bonjour, Jim Dropper, c'est votre vrai nom ? Non. C'est un pseudonyme ? Oui, oui. Vous chantez avec Johnny depuis longtemps ? Depuis 4 ans maintenant. Je fais ses chœurs depuis 4 ans. Depuis 4 ans ? Oui. Vous êtes originaire de quelle ville ? De Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous aimez bien en tant que son dans la musique ? Oh, bah, tout d'abord le rock and roll. Le rock ? Ah oui. Et en numéro 1 dans le rock and roll, qui ? Chuck Berry. Votre chanson, elle s'appelle comment ? Limelight, les petits chaussons de satin blanc. Ah, et c'est donc le premier disque que vous n'avez jamais enregistré. Voilà. Parfait, merci Jim Dropper. Merci. On écoute donc l'espoir de Johnny Hallyday. Sun would shine where you were mine and mine alone. I've been loving you eternally. Oh yeah, there be no one you, my dear, for me. Those are special for remember. Loving you, mama. just one time. You know, my life will not be true. No, will not be true. Dropper, espoir de Johnny Hallyday. Oui, espoir de Johnny Hallyday. Et puis vous avez bien sûr reconnu qui était ce Jim Dropper. Et oui, évidemment, petit clin d'œil à Eric Bamy dans l'émission Johnny de A à Z. Donc je tenais à diffuser cet extrait-là, Jim Dropper, Eternally, ou Lamplight, comme il disait aussi. Sur cet album C'est la vie, nous avons deux titres exceptions à la déprime ambiante. La croisière des souvenirs, Cruise Sea, un standard US chanté par Frankie Ford est repris par Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, John Fogerty, Johnny Rivers, Shanana et les Beach Boys entre autres. Et le Rock'n'Roll Aîné, un titre original de Long Chris et de Eric Bamy. Et ce titre, le Rock'n'Roll Aîné, devient le thème générique de l'émission radio Music Story de Pierre Lescure sur Europe 1, présenté par Dick Rivers. Coca-Cola Music Story. Une musique aînée dans la rue. Le cœur en libéré, ce sont jetés dessus. Et qui se sont planés, griffent la liberté. La barre a explosé, oui, le rock'n'roll est né. Les danseurs se sont réveillés. La musique change de visage. Et on déchire les images. Le rock'n'roll est né. Les danseurs se sont réveillés. Quand la musique devient sauvage, finit le temps de son prochain. Une musique née dans la rue. Nos cœurs sont libérés, se sont jetés dessus. Des guitares en acier rythment la liberté. Une bombe a explosé. Le rock'n'roll est né. Les enfants se sont réveillés. Quand la musique devient sauvage, fini le temps des enfants sages. Le rock'n'roll est né. Les enfants se sont réveillés. La musique change de visage. Et on déchire. Blouson de cuir sous un réverbère. Frappe des mains et tombe les genoux à terre. Elvis de Saint-Jean chante en secouant ses cheveux. Brillantine dans les yeux. Oh, le rock'n'roll est né. Les enfants se sont réveillés. Quand la musique devient sauvage, finit le temps des enfants sages. Le rock'n'roll est né. Les enfants se sont réveillés. Fini Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tu peux faire le tour de la Terre. Elle sera toujours avec toi. Tu peux faire le tour de la Terre. Emporter tout ce que tu vois. Tu retiens la lumière. Tu n'es plus solitaire. La vidéo est là. Pour tout recommencer pour toi. Portable Continental Edison. Les loisirs, mon vieux. Waouh, c'est sérieux. Oh oui, ma vie, c'est la musique. Écoute cette fille qui m'appelle. Son nom, c'est guitare électrique. Pour moi, c'est la plus belle. Oh oui, ma vie, c'est la musique. Je l'aime comme personne. Tu l'aimes comme personne. Et pour écouter la musique, je suis Continental Edison. Bon, maintenant, on va essayer de continuer, un peu de musique. Oui, tout à fait, Johnny, on va écouter, on va continuer. Nous allons revenir à ce fameux numéro 1 de Johnny Hallyday le 11 juin 1977. Numéro 1 des Carpentiers, c'était sur TF1. Et retrouvons ce fameux duo Johnny Hallyday et Rosa Fumetto sous le titre Rosa Baccarat. Quand je suis entré dans le saloon, vêtu comme Daniel Boone, tu m'as dit: Momo Vero, tu me plais, j'espère que je te plais. Oh, tu m'as dit: je sais faire les spaghettis après avoir fait l'amour. Je t'ai dit: tu me rends crazy, viens, on va faire un tour. Saloon, roulant comme Daniel Boone, tu m'as dit: Momo Vero, je te veux, tu sais, je connais des jeux. Oh, à l'heure où chantent les oiseaux, t'allumer une cigarette. J'ai dit: Rosa, tu fumais tôt, alors tu m'as fait la tête. Si tu penses que les roses sans épines n'ont pas de parfum, oh, je te la rosa, je serai la baccara. Si tu te moques des roses sans épines, prends garde à tes mains. Oh, je te la rosa, je serai la baccara. Si tu penses que revenons à notre extrait de l'album de la semaine qui est C'est la vie, qui est sorti le 18 octobre 1977. C'est le titre Vivre. Vivre, tu ne m'as même pas laissé le goût de vivre. Je suis comme un radeau qui flotte à la dérive. Vivre pourquoi? Vivre pour qui? Oh, vivre! Il faudra que je trouve la force de survivre. Je préférais souffrir avec toi qu'être libre. Tu étais la vie. Tu sur je vis, mais le bonheur a dû te suivre. Et je n'ai même plus envie de le poursuivre. Je reste là, je pense à toi. Oh, vivre, j'attends maintenant. Retrouvons à présent l'émission Basket présentée par Jean-Louis Lafont. C'était le 9 août 1977 et Jean-Louis Lafont avait au micro de Europe 1, Johnny Hallyday et Michel Sardou. On repart vers ce jardin de Saint-Tropez où il se trouve en ce moment. Retrouver Johnny Hallyday et Michel Sardou à propos de leur chanson souvenir. Jacques Revaux, on va danser, c'est bien ça ? C'est ça, oui. On a connu à peu près Jacques Revaux en même temps. Alors, bon, disons que le souvenir est commun. Ah oui, parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout dans la chanson, ni Johnny et moi, et Revaux était déjà une grande vedette. Moi, je rêvais, par exemple, d'être comme lui. Moi aussi, il m'a beaucoup influencé. Il a changé complètement la carrière de Johnny. Par exemple, Johnny, à l'époque, chantait pas, voulait pas du tout faire. Moi, je chantais du Brassens, moi. Ouais, il était parti là-dessus, et Johnny, et Jacques l'a complètement fait basculer. Et ensuite, il m'a fait basculer, puis moi, j'ai fait basculer Michel. Mais, tu vois, par exemple, à l'époque, il s'appelait Philippe Malidor et les Dormen. Mais ça, c'était avant cette chanson, hein. Mais attends, Johnny, tu disais que tu chantais du Brassens? Moi, je chantais du Brassens, oui. Mais à l'époque, moi, je connaissais pas encore Elvis Presley, tout ça. Et c'est Jacques Revaux qui a servi en quelque sorte d'initiateur. Exactement, oui. Moi, on m'a dit simplement, vous allez me rafraîchir la mémoire, il paraît que cette chanson était l'indicatif d'une séquence qui s'appelait... C'était numéro 1 à Europe. Numéro 1, c'est le cas de le dire, pendant longtemps, cette chanson. C'était Jacques a fait d'énormes succès. C'était avant, l'indicatif de saluer les copains. La montée des Dormen, il y a... Ouais. C'était en 58, les Dormen. Je vous laisse à votre pastis, les copains. Ces applaudissements sont parisiens. Ils s'adressent à Johnny Hallyday qui, pour une journée, est à Saint-Tropez dans une villa avec son complice Michel Sardou. Au fait, là, que j'y comprenne, comment ça se fait que vous êtes réunis aujourd'hui tous les deux ? Ben, c'est-à-dire que Michel, lui, a loué une maison à Saint-Tropez. Et puis moi, étant en tournée depuis le 28 juin, disons que là, j'avais une quinzaine de jours dans... de gala sur la Côte d'Azur. Alors j'en ai profité pour passer cette quinzaine de jours chez Michel. Vous avez fait quoi tous les deux ? On a été très sages, du tricot comme d'habitude. On a. Non, c'est-à-dire que Michel a loué une superbe maison. Et puis là, on est là. Bon, on est là à la maison. On s'éclate au bord de la piscine. Je vous rappelle un petit peu ce qui reste au programme. Vous avez trouvé un étonnez-moi ? Oui. Ben oui, c'est-à-dire qu'on va faire une course de piscine. Michel et moi, et puis qui va être commenté par notre ami Hubert. Dites-moi là-bas, qu'est-ce que vous allez faire ? Donnez-nous des yeux pour voir, please. Et ben voilà. Ah, c'est tonton Hubert. Gagné. Parfait. Et c'est toi la surprise ? Ben, la surprise, voilà, c'est très simple. Quand on a la chance d'avoir quelques amis autour d'une piscine, la première idée qui vient quand on voit deux beaux jeunes gens en pleine possession de leurs moyens physiques et presque mentaux, c'est de se dire on va se les faire, enfin partout où il y a quelque chose de liquide, on peut se les faire affronter. Oui, moi j'ai très envie de battre Johnny à la nage. Quel est ton style préféré toi? C'est nage libre, hein, de toute façon tu peux y aller papillon, crawl. Oui, bah, je vais y aller crawl. Crawl. Oui, moi aussi. Toi aussi, crawl. Bon, je vous demanderai de ne pas tricher. Je vous demanderai également de ne pas vous retenir pendant la course mutuellement par le maillot ou autre. Prenez exemple sur nos beaux coureurs. Il n'y a pas, comme chez Amine Dada, le crocodile dans la piscine. Bon. Alors, le seul petit handicap, c'est qu'on a mis des piranhas. C'est moins voyant et très efficace. Très bien. Alors, je vais vous donner le départ de cette grande affaire. Vous avez une longueur de bassin à faire et vous êtes prié de rentrer avant la nuit, de toute façon. Bon, vous êtes prêts ? Oui. Partez ! Actuellement, le fils Smet a pris deux longueurs d'avance, mais Sardou, comme un fou, vient de retirer ses baskets. Le voici allégé, il pédale dans la semoule comme une bête. Les voici presque de l'autre côté de la piscine. Que va-t-il se passer ? Ah, une courte... Oh, c'est horrible. Non, sortez-les, c'est pas possible. Ils sont arrivés au mauvais moment, ils avaient laissé les bras en arrière et tous les deux ont heurté la tête en même temps. Tu sais que la prochaine fois, il faudra qu'on mette de l'eau quand même. Merci tonton Hubert et bravo pour l'étonner, moi. Ils ont donc fait match nul et ont terminé leur verre en même temps. Pour une fois, est-ce que vous êtes tous d'accord que je joue maintenant? Bon, alors, voilà. Je vais demander un peu de musique et je vais essayer de préparer mon petit scénario. Dis-moi un peu, Jean-Loup, oui. Moi c'est Johnny qui te parle. Si je suis KO avant que tu aies fini de ton jeu, moi je te paye une super bouffe à Paris. Non mais si tu commences à corrompre, c'est mort. Hein. As-tu dit que si toi t'es KO, tu me payes à bouffer? Dans un super restaurant. D'un autre côté, Lafont, si moi je ne refais pas mon jeu et je suis KO au premier round, je ne te payerai plus jamais à bouffer. Dis donc alors, ça c'est formidable ça. Maintenant c'est donc le tour de Johnny Hallyday. Le mot fatal pour Johnny Hallyday qui n'entend rien puisqu'il se trouve à 874 km à Saint-Tropez sera donc restaurant. On repart à Saint-Tropez. Johnny ? Oui. Est-ce que tu es prêt ? Oui, prêt. Dis-moi, j'ai bien réfléchi là pour ta proposition de repas. C'est une bonne idée ? Et d'ores et déjà je te remercie. Aucun problème. T'as une idée du menu ? Bon, on verra en temps voulu. Oui, un genre chinois, ce serait bien peut-être, non? Si t'aimes ça. Qu'est-ce que t'aimes bien, toi, par exemple? Bah tout, moi je suis pas difficile, tu sais bien. Moi, vraiment, en plus, c'est pas très... je trouve que c'est pas très gastronomique, chinois. Ah, quand même, ça dépend, hein, les canards laqués et tout ça, ça peut être fin. Écoute, vraiment, je t'emmène où tu veux. Bah justement, où, tiens, dis-moi. Mais où tu veux, j'en sais rien, moi, où tu veux, vraiment, tu choisis l'endroit que tu veux. Mais non, mais donne-moi une idée d'endroit, comment veux-tu que je m'y retrouve? J'en sais rien, moi. Tu veux un restaurant de spécialité? Ça y est! Bon, bah, je te dois, bon, donc, un bon repas dans un bon restaurant. Ça te va? Merci, Johnny. Allez, à tout de suite, hein. Michel et Johnny, un grand, grand merci à tous les deux. Je vais vous souhaiter une fin d'été. Je suis fou de rage. Hein. Moi aussi, parce que tu m'as parfait mangé, ça, je te le pardonnerai jamais. Ah, il continue avec le mot fatal. Quel restaurant tu choisis? Ah bah attends, je vais réfléchir. Je te l'envoie à une poste restante à l'une des adresses de ta tournée, d'accord? Dis-moi quand je rentre à Paris. Ah oui, volontiers. Et si ça peut même être jumelé avec une présence ici même au 26 bis de la rue François 1er, ce serait parfait. Hein? D'accord. Okay. Alors soyez très heureux, finissez merveilleusement bien la soirée ensemble et j'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible, d'accord? D'accord. En ce qui me concerne, non. Hein. Depuis que j'ai perdu au premier round, c'est fini. Bon, d'accord. Salut Michel. Salut. L'émission basket sur Europe 1 présentée par Jean-Loup Lafont. Revenons à présent à l'album de la semaine qui est C'est la vie, sorti le 18 octobre 1977. Et nous allons arriver à un titre qui s'intitule La croisière des souvenirs. Quoi de mieux que d'aller faire un tour sur le boulevard du rock'n'roll et retrouver Gene Vincent, Buddy Holly, Elvis et le Killer pour oublier la grisaille environnante. C'est le propos de cette croisière de souvenirs très vivifiante. Décolle et le rictus des bus sera mon sang. Croisière, mais aussi on peut retourner sur l'émission du 11 juin 1977 des Carpentiers. C'était le numéro 1 Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday a aussi effectué quelques duos, notamment le titre Tous les mêmes, autrement dit la chanson Love is All de Roger Glover, qui devient Tous les mêmes avec Sacha Distel et Johnny Hallyday. Comment vous passez ton séjour à Londres ? À Londres ? Oh, j'étais pas seulement à Londres cette année. Je suis allé faire un tour dans toute l'Angleterre, en Écosse, en Irlande, même pas. Non, c'est pas, très non, non, c'est pas ça que je veux dire. Avec les petites anglaises, bien. Oh, on écoute pas devant tout le monde, c'est gênant. Non, non, en fait, j'étais venu, je suis très content d'être dans cette émission parce que je voulais te demander comment t'as tourné à toi en France. C'était pas ça. Fantastique. Alors, nous, tu sais qu'on a fait une ville différente par jour, on a fait plein de monde partout. Non, tu sais que j'ai 20. C'est pas ça que je. Oui, tu as 20 musiciens, je sais, mais c'est pas ça que je voulais te demander. Avec les petites françaises, comment ça s'est passé? Tu veux que je te dise? Alors, on ne changera jamais, on sera toujours les mêmes. On est tous les mêmes. On a tous un truc pour plaire aux filles. J'ai ma panoplie de grands rockers. Et moi pour mettre toujours dans le mille, je joue les playboys honneur. Tout est permis et rien ne me démonte. Pour les faire tomber à mes pieds, il n'y a que le résultat qui compte. L'essentiel c'est d'y arriver. Ouais, ça c'est bien vrai alors. Tous les mêmes, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elles disent qu'elles nous aiment, on irait même faire les pieds au mur. De toute façon, elles sont plus belles. Quand parfois avec une fille je danse, il m'arrive de faire des plans à toi. Et moi confidence pour confident, vas-y, vas-y. Je t'imite aussi quelquefois. Tous les mêmes, tous les mêmes. On peut tout leur faire mais à condition. Ça c'est bien vrai. Qu'elles nous aiment, qu'elles nous aiment. On apprendrait même à jouer du violon. Crooner ou ministre, tous les hommes apprennent à faire le bon. Et pour les filles, ils sont un peu artistes. Chacun doit faire son numéro. Tous les mêmes, tous les mêmes. On ferait n'importe quoi, j'en suis sûr. Pour qu'elle dise écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, c'est l'émission Johnny de A à Z. Et là, revenons à l'album de la semaine qui est C'est la vie, qui est sorti le 18 octobre 1977. Et pour le prochain titre, nous allons écouter le titre Au secours, qui a été écrit par Michel Mallory et Pierre Billon, et aussi également composé par Tommy Brown, qui ce fut un des derniers titres, car Tommy Brown a composé deux titres sur cet album-là, et ce seront ces derniers, car il a été emporté d'un cancer en 1978. Voici Au secours. Je venais à peine d'avoir 15 ans et j'allais voir Miss Robinson. Si je n'étais déjà plus un enfant, elle me voyait déjà comme un homme. Elle me donnait des cours d'anglais sur un divan de velours. Et quand son genou me frôlait, au secours, oui, au secours, oui, au secours. To be or not to be, je m'en foutais, je préférais son corsage. Alors elle oubliait ses mots d'anglais pour des mots encore moins sages. Je renversais son thé indien et ses dernières pudeurs. Elle met main sur sa peau de velours. Au secours, au secours, oui, au secours, oui, au secours. Miss Robinson, j'étais nul en anglais, mais pour l'amour, j'étais votre meilleur élève. Oui, meilleur élève. Hey, Miss Robinson, lorsque je fais l'amour, je repense à vos cours et j'ai, oui, de tas d'élèves. Oui, de tas d'élèves. Des tas d'élèves. Au secours, oui, au secours. Si je ne parle toujours pas l'anglais, je connais plein de Miss Robinson qui savent me faire l'amour en français et que plus rien, rien n'étonne. Elles me suivent la nuit, le jour, et elles usent mon amour. Je sais comment leur faire prier. Au secours, ouais, au secours, ouais, au secours, ouais, au secours, ouais, au secours, ouais, au secours, au secours. Et Au secours et la face B du 45 tours C'est la vie, sorti le 16 novembre 1977. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retournons à nouveau Johnny Hallyday lors de ce numéro 1 du 11 juin 1977 avec deux titres live. Joue pas de rock'n'roll pour moi et le titre Gabriel. Marchait à tes côtés.

comme ça que tu l'oublieras, sur un texte de Gilles Thibault et une musique de Jacques Revaux. Et on ne serait pas étonné d'apprendre que pour ce texte, Gilles Thibault a été inspiré par le fameux Jeff de Jacques Brel. Vous écoutez RIG, la radio de June a aidé jusqu'à minuit le mercredi. Et on va poursuivre encore une dernière fois avec cette tournée 1977. Cette tournée a été marquée par la mort de Elvis Presley le 16 août 1977. Et Johnny rend hommage au King en bouleversant son tour de chant le 17 août à Agde. Et on entend Johnny aidé au micro de Europe 1. Elvis Presley, c'est le jour où je l'ai connu. Donc c'est l'Elvis des débuts, si vous voulez, ça m'a fait autant de peine ce matin, parce que quand on aime quelqu'un, qu'il ne soit plus ce qu'il l'a été, n'a aucune importance. Il restera toujours dans mon cœur, je veux dire, tel que moi je l'ai connu au début et tel qu'il m'a marqué. Vous l'avez rencontré plusieurs fois ? Non, je l'ai rencontré une fois, c'était lors d'un de ses spectacles. À Lake Tahoe. C'est Sammy Davis Jr. qui nous avait présenté l'un à l'autre à la suite de son spectacle. Je n'ai pas discuté énormément avec Elvis, à part bonjour, bonsoir. Je crois que c'est quelqu'un avec qui on ne discutait pas, à moins d'être très intime avec lui. C'est la dernière des stars qui s'en va. Some rooms for broken hearted lovers to cry. There in the gloom, and you'll be so lonely, baby. You'll be so lonely. You'll be so lonely. You could die. Well, the penalties keep flowing. The desk clerks dressed in black. They've been so long in lonely street. So lonely. Oh, you'll be so lonely, baby. Il est arrivé avec une grande guitare. On l'appelait le King of Rock and Roll. Quand il s'est mis devant son micro, il a simplement dit: Hi everybody. I'm gonna sing a little song for you now. For the money, two for the show, three to get ready, no, go, cat, go, don't jump, man, stay for my blues, way too. Well, you can do the same, stay off for my blues, way too. You can knock me down, stand on my face, slander my name, all over the place, do the thing that you want to do. On the way home for my shoes, but don't you stay for my blues, way too. Well, you can do the same, stay off for my blues, way too. Drink my salad from my old food jar. Do the thing that I wanna do. On the way home for my shoes, but don't you stay for my blues, hey, too. Well, you can do the thing that I offer my blues, hey, too. For the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, the don't jump, step on my blues, hey, too. You can do nothing, but they are for my blues, hey, too. Jump, blue, blue, blue, say, too. Blue, blue, blue, say, too. Blue, blue, blue, say, too. Blue, blue, blue, say, too. You can do nothing, but they are for my blues, hey, too. Johnny Hallyday rendait hommage à Elvis Presley au King le 17 août 1977 en concert à Agde. Revenons à la dernière extrait de l'album de la semaine qui est sorti le 18 octobre 1977. C'est l'album C'est la vie. Et ce qu'on peut dire, c'est que le titre maître et unique tube de cet album est bien entendu J'ai oublié de vivre. Le 45 tours est sorti le 1er février 1978 et ce titre deviendra un grand classique dans le répertoire de Johnny. La collaboration de Billon à l'idée démarre sur les chapeaux de roue, le cœur en deux et J'ai oublié de vivre. Alors là, c'est pas vraiment la version de l'album qu'on va écouter, ce sera le mix de la chanson de la reprise de David Hallyday, J'ai oublié de vivre, avec la voix de son père de 1977. Brûler mes yeux, vivre,

pour chanter Dieu et puis l'amour. Voilà la musique vivra tant que vivra le blues. J'ai mes peines et tout ça, ça devient le plus. Je le chante autant, autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires le donnaient l'âge. On chantait les peines et les espoirs, on chantait Dieu. Salut! Toute la musique que j'aime! Toute la musique que j'aime! cette émission Johnny de A à Z, la 596e émission avec l'album de la semaine C'est la vie de 1977, sorti le 18 octobre 1977. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission, puis vous retrouverez évidemment en podcast cette émission demain, après-demain, pour qu'il en soit, vous l'aurez prochainement pour tous ceux qui ont pu l'écouter ce mercredi soir. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission et on va parler du futur, oui, du futur Archive Live, Fête de l'Humanité 85. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao! Minuit de 6 minutes, je vous laisse en compagnie de la programmation nocturne de RIG. Oui, take a bet, swim, swim. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao.